Les amoureux se font la malle et roulent dans le train de nuit. Leurs mains doucement se rejoignent sur la même ligne de vie. À mesure que les lumières défilent le long du carreau, comme un poème de Prévert qui n'a pas dit son dernier mot. Amoureux ont pris le large, savent-ils encore où ils vont? Dans le murmure du voyage, dans le silence du wagon, ils ont laissé là leur bagage, un aller simple sans retour, pour s'embrasser plus que d'usage au terminus de leur amour. Son épaule, elle rêve à lui, il est si beau. Ce doux visage qui le frôle, il a gagné l'Eldorado. Les amoureux dorment tranquilles sous le regard des voyageurs. L'amour est un jeu si fragile, à qui veut bien perdre son cœur. Se reconnaissent dans le tunnel de leurs grands yeux. Le train de nuit fera le reste pour les troubler encore un peu. Il ne finira le voyage que sur le quai des longs adieux. Comme leur amour, ce beau voyage s'en va, s'en vient dans le ciel bleu. Il ne finira le voyage que sur le quai des longs adieux. Comme leur amour, ce beau voyage s'en va, s'en vient dans le ciel bleu. Comme leur amour, ce beau voyage s'en va, s'en vient dans le ciel bleu.